Thank you.

Okay. Thank you very much. That was a beautiful jam. See you later. Thank you. 想法，阿里桑尼，阿里桑尼，阿里桑尼，乌拉姆都收风的大，阿里桑尼，阿里桑尼，阿里桑尼，乌拉姆都收风的大。Sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Thank you. Thank you.